écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à partir de souspressionpunk.com et à la radio CHU 89.1 FM Ottawa, CVR 103.5 FM à Yellowknife et le CFRT 107.3 FM à Iqaluit. Je m'appelle Mathieu et comme à toutes les semaines, je vais être avec vous jusqu'à la fin de l'heure, vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et c'est cette semaine la première émission de l'année 2016. Alors bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent temps des fêtes avec la famille, des amis ou tout seul avec de la bonne musique dans les oreilles et je sais pas, un bon esprit dans le cœur. 2016, j'espère que ça sera une bonne année. On verra, mais je vous souhaite que ça soit une bonne année pour vous. C'est ça, on a commencé l'émission, je pense, avec une chanson qui commence bien l'année, les partisans avec leur morceau Assez Assez, tiré du split avec Zabriskie Point, le split radicalement compatible. Je vais continuer avec un morceau par un groupe qui a sorti un album en 2015, mais que malheureusement je viens tout juste de découvrir. C'est le groupe Punk Ain't Roll. Ils ont sorti un album éponyme sur Quartier Libre, mais le lancement aura lieu bientôt. Je pense que le lancement aura lieu le 16 janvier. Un concert en France, à Toulouse, avec Roti Bondage et Charlie Fiasco et Shut Up Twist Again. Mais je vais vous faire jouer un morceau de leur plus récent album. L'album, c'est un album éponyme. Le morceau s'appelle Rock Against Capitalism. Alors, voici du Punk Ain't Roll à sous pression. S'appelle solidarité. Un paquet politique, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas qu'une musique, juste pas la consommer. Il y a tout un mouvement, des idées qu'on défend. Et ce n'est pas seulement une crise d'adolescents. Qu'est-ce que ça coûte de l'essayer? Un système différent. Celui-là nous a prouvé qu'il avait le goût du sang. Partout les corps sont tâches, partout c'est la misère. Si tu luttes pas pour ta classe, fais un mot pour tes frères. What against? What against? What against? On essaie de faire passer des messages cohérents. C'est tant de gens à plus, au bord de l'Occident. C'est peut-être qu'ils n'en peuvent plus, qu'on massacre un continent. À chercher le profit, dans tout ce qui nous entoure. On en oublie nos vies, et tout ce qu'il y a autour. Notre société explose, faisons preuve de bon sens. Attaquons-nous aux causes, et non aux conséquences. What again? What again? What again? La musique est une arme, et puis elle est sincère. Puis les paroles sont des lames que la vérité asserre. Mais les mots ne valent rien si ça suit pas derrière. À quoi bon chanter soit fin si c'est pour demain faire contraire. toi le fils pas de ferraille, tu gagnes rien, c'est la mitraille à couvrir derrière la racaille et tu t'écrases. Ouais, toi le fils au bleu d'habit, tu rentres à peine ton képi à tous les gamins qui ont ri, tu t'écrases. C'est pas un métier facile, c'est pas un métier, c'est pas un métier facile, non. Ouais, toi le flic sous la papasse, la hiérarchie et la tapasse, ne reste plus que la finesse et ça t'écrase. Alors tu tapes le monde, tu crois dans la masse et tu m'écrases. Policier, c'est pas un métier passé. Policier, c'est pas un métier. Policier, c'est pas un métier facile, non. Stop. C'était Poésie Zéro avec le morceau Policier tiré de leur démo qui est sorti en 2010. Avant ça, du Malto d'Orzo de l'album Pire qu'hier, mieux que demain, c'était le morceau T'en fais pas pour moi. Les Pargas avancent avec Rengaine et on a commencé le dernier bloc avec du Punk Ain Roll, le morceau Rock Against Capitalism de leur album éponyme qui est sorti en 2015, l'année passée, mais dont le lancement sera le 16 janvier prochain, là, ça s'en vient bientôt là. Alors c'est ça, je continue la musique avec du Diego Palavas de leur plus récent album Expédition Punitive. Je vais faire jouer le morceau Je suis sans. Le groupe Diego Palavas qui est présentement en studio en train de préparer un nouvel album, de composer des morceaux et de les enregistrer. J'ai fait une entrevue avec Bat Bat, le chanteur de Diego Palavas en décembre 2014. Et avait dit que le groupe préparait un album à ce moment-là. Et mais je pense qu'il y a eu quelques changements dans le line-up du groupe depuis. Alors quelque chose qui sûrement qui a causé un délai certainement. Alors c'est ça, je continue avec du Diego Palavas, le morceau Je suis ça de leur album Expédition Punitive. Je vais vraiment hâte, en espérant que le groupe va pouvoir sortir un nouvel album en 2016, ce serait super. Mais entre-temps, je vais faire jouer un de leurs morceaux, le morceau Je suis ça, ici à Sous Pression. Tu crois ça devient gênant. Institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. vient d'écouter La Gâchette avec leur morceau Rien n'a changé de l'album Ne renoncera pas. Du René Binamé avant ça de l'album Vocation, c'était le morceau Coup d'État. Et on a commencé le dernier bloc avec du Diego Palavas de l'album Expédition punitive, le morceau Je suis sain. On est rendu plus ou moins, moi aussi, chemin de l'émission. Si vous écoutez à la radio, je vous rappelle d'écouter, d'aller visiter souspressionpunk.com. C'est le site web de l'émission. L'émission Sous Pression est basée à partir du site web. Les nouvelles émissions sont mises en ligne à chaque semaine vers midi, temps de l'Est. Là. Si vous écoutez partout dans le monde, en tout cas l'heure de Toronto. Alors, allez checker ça. Si vous êtes déjà sur le site web, ben merci beaucoup d'avoir visité le site web et continuez à le faire. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, je sais pas n'importe quoi, envoyez-moi un message info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Sinon, si vous voulez juste voir, vous venir à jour avec ce qui se passe avec l'émission ou dans le monde du punk ska et hardcore francophone, on est sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Sinon, faites une recherche pour sous-pression sur le site Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez aller aimer l'émission et vous venir à jour avec ce qui se passe dans le monde de sous-pression. Alors c'est ça, je continue en musique avec de la musique. Je vais faire jouer le bloc sono mondial, alors premier bloc sono mondial de l'année. Je vais faire jouer un morceau par le groupe mexicain Niégalo Todo de leur album Absurdo Escepticismo Superficial. Je vais faire jouer deux morceaux, De que Lodo Estas et Suicido Colectivo. Alors voici du Niégalo Todo à sous pression. Oh, C'était Niégalo Todo avec les morceaux Deque, Lodo Estas et Suicido Colectivo, le groupe du Mexique. Je continue maintenant avec un groupe français que je pense que j'ai jamais fait jouer en ondes. C'est un ami qui me les a fait connaître juste l'autre jour. Le groupe s'appelle Gas Mask Terror. Ils ont sorti un album qui s'appelle Chape de Plomb. Voici le morceau L'Ordre et ses chiens. Yeah. C'était Doom Sisters avec le morceau Soral Punk's Fuck Off, une chanson contre Dieudonné, l'humoriste antisémite, et le monsieur Soral, c'est quoi son nom, Alain, je pense, un homme qui se fait passer, un écrivain qui se fait passer pour être une personne anti-système, mais qui cache vraiment son nationalisme, son sexisme et son homophobie. Alors, c'est un petit morceau de Doom Sisters pour contrer l'influence de Dieudonné et Soral. Asyl avance avec Marée Noire de leur démo C'est pas si tu Bad Trip avec Manny Walkie, Fuck the Facts avec Vent du Nord de leur album Amer, tu Fist Fuck avec le morceau Pan Pan Pan Pan de l'album Félicitations pour votre beau programme, et on a commencé avec du Gas Mask Terror de l'album Chape de Plomb, c'était le morceau L'Ordre et ses Chiens. Alors ça fait un petit bloc de grind, D-beat un peu. Là je continue la musique avec du Von Bismarck 007, un groupe que j'ai jamais fait jouer en nombre, mais qui ont sorti un split avec le groupe Barricade Mentale, une couple d'années, c'était deux groupes québécois. Je vous fais jouer le morceau Ouvre-toi les yeux, tiré de ce split avec Barricade Mentale. Alors, c'est ça, voici Von Bismarck 007. Sur le bas en haut de la tête, parce qu'à soi, c'est encore ma fête. Exceptionnel, son argent tombe pas du ciel. We'll be right back. première fois, t'annoncer que c'était viré. Une machine t'avait remplacé. Alors dans ta feuille, tu faisais sans toucher. Et une petite voix t'a murmuré. Et tu t'en vas, t'allais souffrir. Tu t'en vas, passe à bonne vie, c'est ça. C'était toujours rien avec le morceau Loose Brigade de leur démo sorti en 2009. Si je me trompe pas, des membres de Toujours Rien font maintenant partie du groupe Zone Infinie qui se sont mérité le numéro 1 spot sur le top 10 des albums de Punk Sky Hardcore francophone de 2015. Selon Soupcation, cette émission-là du top 10 a été diffusée la semaine passée. Si vous voulez la voir ou la réécouter ou juste voir la liste des top 10, allez visiter souspressionpunk.com si vous n'êtes pas déjà sur le site web, évidemment. Avant de toujours rien, c'est Gerbia avec le morceau Tue ton boss de l'album Pilado au bûcher, Hors contrôle avec Ne plus être guidé de l'album L'Union fait la force, et on a commencé avec du Von Bismarck 007, le morceau Ouvre-toi les yeux. Je vous laisse maintenant avec un dernier morceau, je vous laisse avec un vieux morceau de Scuds and Panic People. Mais ce morceau-là tiré du EP Dead on the Ring, je vais faire jouer le morceau Revolution in Costa Patas, un groupe Scots and Panic People qui n'existe plus, mais qu'il y a quelques membres qui font partie maintenant du groupe Death or Glory, qui ont sorti, je pense, 2 albums à date. C'est du bon punk rock, allez checker ça si vous pouvez le trouver. Mais c'est ça, je vais me fermer, je vais vous laisser avec le morceau Revolution in Costa Patas de Scots and Panic People de leur EP Dead on the Ring. Alors passez une excellente semaine, passez une excellente année 2016, j'espère que ça s'est bien commencé pour vous, j'espère que ça va bien se dérouler d'ici jusqu'au 31 décembre 2016. Alors voici Scots and Panic People, passez une excellente semaine. Les joueurs se répètent à 100 fois, sans que le profit règne.